Mais si je me le rappelle fait d'arros, si la je dis m'n'a en français, prête ce mal. N'est-ce pas le rappel qui n'a en salement là, bref, en noir vous d'orli, une rêve en mûr s'annonce, mais mani le douvain vous. Mais, le, des, rac, mais ragouras et sauf une fichel, mais, rdak d'ert sous la yaura mon fait, mais je, chat.